C'est l'occasion de l'appliquer l'enseignement de Thaï qui découvre de la trois portes de libération. Le vif, le non, l'absent de ses non-portes, mais l'absent de vif. Et à partir de cet enseignement, Thaï a énoncé une vérité qu'il n'y a que lui-même qui a énoncé, c'est-à-dire aller au-delà de la complexe de supériorité, la complexe d'infériorité, et même la complexe d'égalité. Voilà, si on n'ose pas venir ici, c'est-à-dire vous êtes complexe d'infériorité. Pour aller transcender. Nous autres ici... Et nous on a le complexe d'égalité. Parce que et les gens demandent... Mais, la complexe d'infériorité et supériorité, c'est bien, mais pourquoi d'égalité ne veut pas même égal? À ce moment-là, tu as dit l'exemple de cinq doigts, voilà, la bouche, le pouce et la crosse, les nerfs, les os sont plus longs et tout ça, et chacun n'est pas égal dans les formes et tout ça, et chacun a ses fonctions. Et c'est pour ça qu'il faut même aller au-delà de la notion d'égalité. Voilà. C'est l'occasion pour nous de réaliser cet enseignement. Nous autres, par les circonstances, on a reçu la transmission de Thaï et on devient des enseignants pour transmettre l'enseignement de Thaï. Mais cela dit, en vous aussi, vous pouvez être des enseignants. Certains d'entre vous pratiquent longtemps, à bien étudier l'enseignement de Thaï. Donc vous pouvez aussi compléter ce que nous avons parlé de tantôt. Voilà. C'est l'occasion aussi de partage, de questions de réponses. Mais n'oubliez pas qu'en vous, il y a des airs d'enseignement, d'enseignants. Voilà. Ne pas sous-estimer votre présence aussi. Parce que nous, on est là, mais on ne l'a pas fait exprès. Donc, si vous n'avez pas de questions, c'est parfait. Mais si vraiment et sûrement qu'il y a des questions, des interrogations, et aussi de la part des pratiquants plus anciens sur la pratique, il peut y avoir des moments de lassitude, par exemple, ou des choses qu'on ne comprend pas bien ou qu'on ne réussit pas bien. C'est le moment de poser des questions. Et pour les personnes moins anciennes ou moins expérimentées, c'est aussi un bon moment. Et en sachant que chaque question a déjà sa réponse en vous, en nous, mais peut-être on ne la voit pas. Et on va essayer de déchirer les voiles pour vous faire voir la réponse. On va essayer seulement. Et peut-être que nous, on aura une question à vous poser aussi. C'est très bien, après tout. Pourquoi pas? Donc ça peut être sur ces fameuses portes de libération, évidemment. On a détaillé, mais vous devez savoir qu'une porte contient les deux autres. Et inversement. Ne soyez pas timide. Mon beau-frère Pierre est décédé il y a 14 jours. J'aurais voulu savoir s'il y avait une pratique que l'on pouvait faire pour qu'il puisse continuer en paix. Je ne sais pas s'il est mort très vite d'une maladie très grave, et donc je ne sais pas dans quel état d'esprit il a pu mourir, s'il était effrayé en paix, et je voudrais pouvoir l'accompagner. Et je voudrais savoir s'il y a une pratique plutôt qu'une autre, pourquoi. La première pratique, c'est que vous soyez en paix d'abord. que vous trouviez le moyen de toucher votre propre père, en sachant que si vous êtes paisible et que vous faites la marche paisiblement, par exemple, vous l'apaiserez aussi. Ça, c'est sûr. Parce que il vous a laissé quelque chose, une transmission. Une part de lui est en vous, bien sûr. Ça, c'est la première chose. Après, bien sûr, il y a dans des livres, on peut toujours lire des sutras, des choses comme ça. Mais ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est que vous, vous-même, puissiez trouver quelque chose de paisible en vous pour marcher avec vous. Il y aura d'autres réponses. La dernière phrase d'Ali, c'est de marcher avec lui quand vous avez l'occasion de promener dans le parc. Il nous conseille souvent, même si on est on marche toujours avec quelqu'un d'autre. C'est l'occasion d'appliquer, de marcher en plein conscient, revenir à notre respiration paisiblement, avec l'intention que la personne de cette nuit nous pose et nous marche avec nous. Et c'est sûrement que cette pratique va être nous-mêmes et être les autres personnes. De même, quand nous faisons la méditation assise, nous assise pour toutes les générations, nos ancêtres, les personnes de cette vie, et l'avenir aussi. Si nous pratiquons la méditation assise, la méditation marchée, nous préparons notre corps en bonne santé pour l'avenir de nos enfants. Il y a à peu près plus d'un an maintenant, au mois de décembre, j'ai perdu mon papa, et j'étais beaucoup dans la souffrance, et je me promenais sur le terril près de chez nous. Et là, je sentais en moi une énergie, je dis, oh tiens papa, je sentais la même énergie que mon père en moi. Et alors je me dis, oh ben je vais l'accueillir, ça me faisait sourire. Et puis alors je dis, ben on va marcher ensemble, alors papa, on va marcher ensemble. Et j'ai commencé à marcher avec mon père. Et puis j'ai senti sa mère qui est arrivée, et ma grand-mère. Ben je dis, alors on va marcher ensemble. Et là, je sentais que la souffrance et la peur d'avoir perdu mon père s'estompaient, parce que maintenant je le retrouve en moi, et je l'invite, et je vis une autre relation. Ces trois réponses-là correspondent avec ce qu'on pratique dans la méditation, dans la tradition zen, parce qu'on est dans une école de zen. Dans les autres écoles de bouddhistes, par exemple l'école de la Tepu, ils font souvent une sorte de cérémonie après 7 fois 7, ça fait 49 jours, en mémoire de la personne décédée. Et aussi on a des choses pour faire avoir des mérites envers la personne. On dédie ce qu'on fait comme bonne action dédiée à la personne décédée. Mais ça, ce sont des pratiques dans les autres écoles bouddhistes. On a parlé des trois portes de vérité, de la libération, pour atteindre la vérité. Donc ces trois portes me permettraient de me libérer de quelque chose, de la souffrance. Par contre, pour atteindre ces trois portes, est-ce que c'est uniquement pratiquant la pleine conscience? Est-ce que c'est en revenant au moment présent? Ou alors c'est en lâchant tout, comme on a dit à la fin? Pratiquer et lâcher? Ou pratiquer et pratiquer? Pour les enseignants cachés, c'est possible. Il y a des enseignants cassés entre nous, je voulais répondre. ces portes de libération. C'est des grands noms. C'est des grands noms, mais il ne faut pas être impressionné. Ce sont des pratiques. Pratiquer le vide, c'est pratiquer l'intérêt. C'est voir l'intérêt. L'intérêt en soi-même, l'intérêt à l'extérieur. L'absence de signes, on voit des formes, mais c'est pas. Il faut aller au-delà, comme a dit. Enfin, c'est une pratique. Il faut voir au-delà. Si je bois un verre de thé, c'est une forme. Et si je vois derrière, un peu plus loin, je vois le nuage, je vois la femme qui coupe les feuilles de thé, ou l'homme, je ne sais pas. La personne qui coupe, je vois la terre, ça c'est l'absence de signe. Mais c'est aussi l'intérêt. Et quand je fais cela, je pratique la troisième porte, l'absence de but, c'est-à-dire l'arrêt, je m'arrête. Et je m'arrête, ça veut dire quoi? Ça veut dire je suis vraiment là avec moi, avec mon verre de thé, et que je ne suis plus emporté par mes pensées. En une seconde, on a déjà fait les propos. C'est une preuve. Et si on veut compliquer, on peut rajouter autre chose. Parce que c'est un pull. Un pull, et on tire sur le fil de laine, et puis tout se défait. Et quand on tire sur une porte, les trois sont bons, mais après il y a les trois sauts du Dharma qui suivent, et etc. Et en fait, en une seconde, on a tout fait. J'ai bien entendu ce qui a été dit sur les trois portes. Je viens de rappeler maintenant, pas d'objectif et tout ça. Puis il y a un mot qui me revient, qui m'avait... m'interpelle dans d'autres textes, c'est la volition. Moi j'entends ça comme une force intérieure qui m'amène à transformer cette énergie-là en quelque chose que, effectivement, je définis comme un objectif. Et il me semble que cette force-là est vraiment importante, qu'elle doit se traduire. Donc, pour moi, le problème, c'est d'avoir le discernement par rapport à cette énergie-là et voir si c'est mon objectif à moi. Donc, qu'est-ce que je ressens par rapport à ça? Comment ça travaille par rapport à l'évolution par rapport à le non-objectif? Bien sûr, chacun de nous a une certaine aspiration, certaines choses qu'on tient à cœur à réaliser pour notre vie, pour mener une vie authentique, véritable. On appelle ça l'évolution, avec des techniques. Mais comment pratiquer la réaliser notre évolution sous la lumière de la troisième porte, la porte de non-poursuite, non-but. Comme j'ai dit ce matin, on peut agir, ce que Thay appelle l'action de non-action. C'est-à-dire, on peut travailler, agir d'une certaine façon pour réaliser notre volition, notre but de notre vie. Mais sans un état libre, sans un état de liberté, sans être borné, sous pression, qu'il faut absolument arriver à ce but-là. L'essentiel dans l'action, ce n'est pas arriver au but. L'essentiel, c'est qu'on peut trouver la paix, la joie, dans chaque pas de notre parcours. Et ça, c'est très important. Parce que si on a une volition profonde, on peut arriver en partie ou en entièreté. Mais c'est important de ne pas fixer un but en soi. Pourquoi Parce que si on te fixe un but en soi, ça fait une certaine contrainte de pression. Et là, ça fait une sorte de stress et ça fait te perdre beaucoup d'énergie. Prenons un exemple de la crise des règlements climatiques, la discrimination, la violence, l'injustice. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais en tant que personne, seul, si tu fais ce genre de domaine, tu sens vraiment quelque chose qui... Tu es, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Donc, fais de ton mieux, mais ne fais pas trop souci de l'objectif. Parce que sinon, tu seras découragé. En fait, j'ai 45 ans, et en fait, nos parents, Samuel et moi, en fait, tous, maman commence à devenir plus âgée. Et avant, c'était plutôt des personnes sur qui on s'appuyait. Et puis maintenant, c'est des personnes qui deviennent fragiles. Et même si je me dis que la durée de vie, j'essaie de relativiser avec ma tête, ça me met en fait dans une grande insécurité. Et du coup, j'ai envie de les aider. Et en même temps, comme j'ai peur, j'ai du mal à entrer en relation de manière paisible parce que j'ai peur de les voir comme ça devenir de plus en plus fragiles. Et donc je me demandais comment... comment la pratique pouvait m'aider plus que dans ma tête, parce que ça marche pas quand je me dis ça va aller, tout ça, enfin, je me calme pas, et donc je me demandais comment la pratique pouvait m'aider à trouver une paix, mais aussi à trouver à avoir une relation avec eux qui soit le plus aidante possible aussi pour eux. Gardez votre fraîcheur avec eux et rappelez-leur tous les bons moments. Soyez joyeuse, ne vous inquiétez pas du futur. C'est pas la peine de les attrister à l'avance. Je sais de quoi je parle, je m'affaiblis de jour en jour. Mais je dis rien à mon fils. Mais la vérité, c'est que c'est vrai. Et dans ma pratique personnelle, puisque là, c'est mon cas, j'essaye de trouver la joie quand même, et la paix. Et j'essaye de ne plus nourrir toutes les choses difficiles de ma vie. Ça, c'est moi qui le fais, mais vous pouvez le faire pour eux. Mon père, quand il avait 87 ans, je savais bien qu'il allait partir. 87 ans, je me dis, bah, voilà, il était en forme, mais il perdait un peu la tête. Et je voulais absolument l'accompagner. Donc, et le fait de ne pas pouvoir être au quotidien avec, puisque ma famille habite au Brésil. Donc j'ai essayé d'aller tous les ans. Et donc la dernière année où j'ai pu être avec lui, je passais vraiment du temps avec, parce que ma mère, elle perdait beaucoup patience. Et donc elle était fatiguée aussi, parce qu'elle faisait beaucoup de bêtises, par le fait qu'elle perdait tête. Donc, je voulais m'occuper. Et donc, ce que je faisais, c'est de toucher plus l'enfant intérieur en moi et de réveiller son enfant intérieur. Et donc, je le faisais remémorer un petit peu les choses joyeuses de sa vie. Quoi. Et c'était assez rigolo parce qu'il avait une mémoire... Enfin, voilà, la mémoire récente, mais tout ce qui était très ancien, il avait vraiment ses souvenirs. Donc j'ai passé des heures et des heures à passer le temps à le faire remémorer les expériences, des bêtises qu'il faisait quand il était enfant. Et donc c'était très très rigolo de pouvoir aussi le voir. Mais le fait qu'il était diminué, c'est de pouvoir encore vivre des moments dont des souvenirs qui lui faisaient du bien. Et cette année-ci, c'était ma mère, donc j'étais la voir aussi. Et la même chose, donc elle ne supporte pas l'idée de vieillir et d'être malade physiquement, mais elle est affaiblie physiquement aussi. Donc je faisais la même chose, donc raconte-moi un petit peu comment c'était. Et donc c'était vraiment un moment dans lequel j'étais dans l'acceptation que malgré le fait que son corps physique est affaibli, mais il y a quelque chose de très très beau et très très vivant. Et donc de pouvoir arroser ça en elle, c'était très important pour moi. Donc de pouvoir raconte-moi ton histoire. Et une chose que elle aime beaucoup la mer et elle aime beaucoup faire le surf avec son corps dans les vagues, mais physiquement elle n'arrivait pas à se tenir debout, donc moi j'allais avec elle et je la tenais pour qu'elle puisse faire son petit truc dans l'eau et tout ça comme des enfants. Et ma soeur qui était derrière et elle voyait comme ça, elle disait mais c'était vraiment comme si je m'occupais d'un enfant qui était. Et donc, et ça, ce n'était pas quelque chose qui la faisait du mal, parce qu'elle prenait le plaisir de faire quelque chose encore qu'elle aimait bien. Donc c'était, pour moi, c'était important d'aller chercher des choses qui faisaient plaisir plus qu'être attachée à quelque chose qui n'allait pas. Et pour ça, c'était, pour moi, c'était important que moi, j'ai cherché en moi aussi des choses qui me faisaient plaisir pour pouvoir partager ça avec elle. Voilà comment est-ce que j'ai pratiqué ça. Quand tu as posé la question, je t'ai observé, j'avais l'impression que tu avais déjà la réponse dans tes gestes. Mm-hmm. Tu as tenu tes mains comme ça, et je me suis dit, ah, c'est comme si elle berçait quelque chose. Et je me suis dit, ah, c'est la peur qui a besoin d'être bercée, peut-être. Mm-hmm. Et je pense que c'est ça que j'aurais envie de partager, et c'est pas toujours facile de nous asseoir avec notre peur pour la prendre dans les bras, pour la bercer, pour l'écouter, ce qu'elle a à nous dire, et avant de l'écouter, déjà de la sortir de notre corps. Ouais. Donc, la réponse était déjà là. Ce que j'aimerais partager, j'ai ma famille ici aussi, qui sont loin, pas si loin que le Brésil, et ma maman aussi est bien âgée. Elle va déménager aussi de la maison où elle habitait pendant 60 ans, où elle avait beaucoup de mémoire. Et j'ai déjà pris la décision de passer plus de temps avec elle, parce que c'est ça que je sais qu'elle aime. Mais ce qu'il y a aussi, quand je vois qu'elle devient plus âgée, je regarde moi aussi, parce que je ne rajeunis pas. Et ça me met face à mon propre moi aussi, et la peur de mourir aussi, parce que c'est un peu logique. La nature, les parents, c'est moi, et mes fils aussi. Mais je dis, qu'est-ce qu'il y a qui est important? Ce qui est important aussi, on a déjà entendu ça. Vraiment vivre les bons moments avec elle, vivre les moments dans le présent. Je vais aller là-bas, mais vraiment de vivre là, ce qu'elle aime. Elle aime beaucoup aller dans la campagne, de faire ça. Elle est très croyante dans sa religion. Je vais l'accompagner dimanche pour ce qu'elle fait là-bas. Elle aime beaucoup les choses. Elle a un petit jardin. Je vais l'aider à planter le jardin parce qu'elle adore jardiner. C'est vraiment les choses à faire avec elle. Et en même temps, c'est mes peurs aussi qui disparaissent, parce que la fin de sa vie qui approche, c'est une autre stage dans ma vie aussi, mais que je n'apprends pas avec du peur aussi. C'est quelque chose que je tiens à moi et je tiens à elle en moi aussi, et toute sa famille qui n'est pas là, mon papa qui n'est plus là, et qu'elle va passer avec moi, dans mes fils et tout le reste de la famille aussi, et de donner tout notre amour quand elle est toujours là. Merci. Moi, je voudrais ajouter quelque chose aussi sur le thème des parents. Ma maman était une agricultrice, et elle a eu un accident, elle a eu la sacrée fracture. Elle était très active, elle s'est retrouvée en maison de repos. C'est en 2016 qu'elle nous a quittés. Et c'est cette année-là que je suis arrivé ici. Je préfère un peu, excusez-moi. Et la dernière fois, quand j'allais la voir, elle était là sur son lit, elle ne disait plus rien, elle était très calme. Moi, je suis resté une demi-heure, Et au moment où je voulais m'en aller, elle me disait, tu t'en vas déjà? C'était l'énigmatique. Elle m'a appris la méditation sans avoir jamais entendu ce mot. C'est incroyable comment elle s'est transformée. Je ne l'ai pas assez compris au moment même. Je sais qu'elle est encore là. Au décès de mon père, ma mère est tombée dans une profonde mélancolie. Et ça fait un an que donc, le traiteur apporte son dîner à domicile. Et tous les jours, elle me dit j'attends papa pour manger. Ou elle me téléphone et elle me dit j'attends ton père pour aller dormir. Elle se promène dans la rue et elle crie après lui. Et aujourd'hui, par enseignement, j'ai compris qu'au-delà de, je veux dire, de la démence, parce que c'est une démence, il y a de l'amour. Et je ne vis plus, je veux dire, cette démence de manière... j'apprends à ce qu'elle ne me fasse plus mal, mais à la voir différemment, à la voir dans le sens de l'amour. Et ben, parce que si elle ne faisait pas ça, elle ne résisterait pas. Et elle sait qu'il n'est plus là, quelque part, elle sait qu'il n'est plus là, mais elle joue ce jeu, elle a mis ce système en place de l'attendre, parce que ça lui fait du bien. Et je me dis, ben, si elle n'est pas ça, elle ne tiendrait pas debout. Mais le fait de l'attendre toute la journée, de mettre la table, de l'attendre, quand je sors avec elle, je la sors un peu. Elle ne veut pas rester dans le café ou en boire un verre parce qu'elle me dit, il faut que je rentre, papa m'attend, des choses comme ça. Moi, c'est difficile en fait d'être confrontée à ça. Et puis je me dis oui, ben, au-delà de ça, ben, il s'aime toujours en fait. Et c'est ça vraiment qui s'est déclenché en moi, c'est cette compréhension-là de dire oui, mais ils sont encore dans l'amour. Il y a encore ce lien qui les rapproche. Je vous en parle aussi pour essayer d'avoir plus de clarté, pour avoir plus de perception d'elle en fait. L'être qu'on peut trouver dans le dharma, ici, pour traverser des moments difficiles. Il faut essayer de rester proche de sa maman, paisiblement. Le dharma se trouve en nous-mêmes. On ne va pas dans le dharma. C'est un grand mot, mais... La chose à faire, c'est cultiver la joie, si possible, et la paix. Et cela peut se faire en accompagnant au mieux qu'on peut. Un peu difficile à dire, mais ou à entendre. Il y a des choses qu'on appelle des remémorations. C'est dans un sutra. Et qui nous rappelle que dans notre vie, tout est changeant en fait. À chaque instant, nous changeons. Ce qu'on aime change. Et bien sûr, un jour, nous devons savoir qu'on ne pourra pas garder les gens qu'on aime. C'est l'impermanence. Mais l'impermanence, c'est pas mauvais. C'est ce qui permet la vie. C'est quelque chose qui régénère la vie. accompagner. Et toujours rappeler les bons moments. Ça, c'est important. Partager du temps, prendre du temps pour partager les bons moments. Quand vous étiez une petite fille, vous avez fait plein de bêtises, c'est sûr. Non. Oui, mon carnet, je note. Non, mais on ne veut pas le savoir. Nous, on ne veut pas le savoir. Mais c'est bien de le rappeler à maman. C'est bien. Ça, c'est le lien, c'est vraiment... Et il y a eu beaucoup de moments de bonheur quand on est enfant. On a des moments de bonheur, c'est le bonheur de l'enfance. Et les parents sont heureux quand les enfants sont heureux. Il faut rappeler ça. Et votre maman n'a pas tort en disant il faut rentrer parce que papa est à la maison, il attend. Elle n'a pas tout à fait tort au regard de la pratique. Je l'ai compris. Il n'est pas si loin que ça. Je l'ai compris. Et ça ne sert à rien de lui dire. Il est au cimetière, il est affiché, ça ne sert à rien. Il est là, dans sa tête, dans son corps. Il est là, quoi. Dans la pratique, c'est vrai qu'il est là aussi. Dans les maisons asiatiques, vietnamiennes, nous avons l'hôtel des ancêtres. Mon épouse est vietnamienne. Et il y a un hôtel des ancêtres dans la maison, bien sûr. Et mes parents sont là. Les parents de mon épouse sont là aussi. Et c'est très naturel, on vit avec eux. Et quand on, si jamais on fait une fête, une cérémonie, en Asie on ne fête pas les anniversaires normalement, mais les anniversaires de la mort, oui. Et c'est pas triste, on prépare plein de plats pour les ancêtres. On dispose sur l'autel avec des bons plats que j'ai envie de manger avant que ça arrive à l'autel. Ça, je ne dis pas. J'ai les bras longs en plus, il n'y a pas de tout. Et on dispose de l'eau fraîche, du thé. On dispose les choses qu'ils aimaient aussi. Et des fois, papa aimait boire un petit coup de rouge. Donc on met une bouteille de vin. C'est un exemple. Je ne suis pas un expert quand même. On pourrait en savoir plus. Et quand la baguette d'encens est brûlée, alors tous les invités mangent avec les ancêtres. C'est-à-dire qu'on reprend les plats sur le thé et on les mange. Mais je suis très touché par le témoignage de Josiane, parce qu'à travers la démence, ta maman, tu sais, transformer en un regard d'amour. Félicitations. Et je voudrais revenir à la question de Thaïs. Elle a demandé sur la pratique et le lâcher prise. Donc je crois qu'en pratiquant profondément, à un certain moment, on peut lâcher prise. Le lâcher prise peut considérer comme le fruit de la pratique. Donc quand on pratique, à un certain moment, le fruit sont mûrs et ça tourne et on arrive à lâcher quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher. Mais le lâcher prise, c'est aussi une pratique. On a un petit défaut, on se concentre jour à jour. On essaie de lâcher petit à petit, mais un jour, on peut lâcher plus, c'est l'attaque directe. Parfois, on force, parce qu'on écoute l'enseignant, il faut lâcher prise, lâcher prise. Et le fruit n'est pas mûr, on a fait un effort de lâcher prise et le sauce revenir un peu plus fort. Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours la sagesse pour savoir lâcher petit à petit. Voilà. Et le meilleur, c'est toujours pratiquer l'enseignement de Thaï, revenir à sa respiration, la pratique de passe, et un jour, des difficultés, pas tout seul. Voilà. L'exemple, par exemple, moi j'aime bien de manger de la viande, se réunir avec mes copains pour fêter. Et je n'ai jamais forcé à être végétarien, mais petit à petit, avec les années de pratique, je diminue la consommation de la viande. Et jusqu'à un certain moment, je n'ai plus mangé de la viande comme avant. On a fruit bien tout seul avec la pratique. Mais il y a aussi l'attaque directe, mais il faut faire attention. Merci. Chers Thaïr, chers enseignants, chers amis, j'ai une question. C'est par rapport donc l'image de soi. C'est-à-dire que moi je suis bien souvent prise par la préoccupation de l'image. De l'image que je peux laisser. Et ces derniers temps, je suis en train de me poser la question, tiens, qu'est-ce qui est derrière cette préoccupation de l'image? Qu'est-ce que... Voilà. Et le fait, donc ça a à voir avec le lâcher prise, c'est-à-dire que par quel moyen donc je peux vraiment toucher cette vraie, ce qui est vraiment derrière l'image, puisqu'il y a déjà une habitude, une nourriture qui a alimenté la préoccupation de l'image de soi, de pouvoir les lâcher ou bien aller le chercher à savoir, il y a déjà toute une série d'histoires que je vais raconter dans mon esprit, pour pouvoir raconter des histoires dans ma tête. Alors ma question c'est, quels sont les autres moyens qu'on aurait pour, que je pourrais avoir pour atteindre cette question d'aller plus loin, comme Chan, tu viens de dire, c'est d'aller plus loin et de voir plus loin qu'est-ce qu'il y a derrière ça, sachant que mon mental va raconter une histoire, et l'histoire que j'ai envie d'entendre. Hein, plutôt que ce qui est. Donc voilà, est-ce que vous auriez une pratique concrète de qu'est-ce qui pourrait être aidant? Laurent, t'as une autre? J'ai peur. Mais c'est possible. Derrière l'image de soi, il y a le non-soi. Et la pratique, c'est l'intérêt. Il ne faut pas s'occuper de l'image de soi, mais du non-soi. Derrière tout ça, il y a l'intérêt. C'est ça la pratique. Il faut voir l'intérêt directement. En une fraction de seconde. Dès l'instant où on prend contact avec quelque chose, il faut voir l'intérêt. Tout ça, ça a à voir avec le soi, avec le vide, avec la forme, avec la non-poursuite. Mais il n'y a pas besoin de faire tout ça en fait. si on est préoccupé par l'image de soi-même. C'est ça. Alors la vision n'est pas claire. La vision de la pratique n'est pas claire. Pour savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, alors, il ne faut pas réfléchir, hein. Il faut prendre du temps pour s'asseoir, pour respirer, avec ce motif-là dans le cœur. La méditation a le pouvoir de révéler et de guérir. Mais dans la concentration qu'on pourrait pratiquer, c'est l'intérêt. On prend l'image de soi, on la met devant, et on s'assoit et on contemple sa propre image. Et tu peux la contempler quand tu avais 5 ans, quand tu avais 20 ans, ou quand tu n'étais pas né. Ou dans 300 ans. Dans l'image de toi-même, tu as ta maman, ton papa. C'est l'intérêt. C'est une contemplation directe. Il n'y a pas grand-chose d'autre à faire. Hein. Mais c'est tout. C'est déjà tout. Et pour faire cela paisiblement ou en faisant quelque chose qu'on aime faire, qui est facile à faire. Si c'est facile de s'asseoir pour faire ça, on s'assoit. Si c'est facile de marcher, on marche. Si c'est facile de s'allonger sur le dos, sur quelque chose de dur, on ne s'endorme pas tout de suite, on fait ça. Il ne faut pas que ça dure longtemps, c'est des choses à faire dans le temps, régulièrement. C'est une pratique régulière. C'est pas très difficile. Hein. Il faut entrer en contact avec qui on est vraiment. Et Thay a déjà expliqué ça. Il a déjà proposé des pratiques de s'asseoir et de se voir comme un enfant de 5 ans. C'est notre propre image. Et cet enfant de 5 ans, il est assis en face de moi. Et je fais rien, je respire, c'est tout. Bien attentif à la respiration et à cette vision-là. Et après, on peut aller plus loin. On peut le voir avant sa naissance, c'est-à-dire sous la forme des parents ou des grands-parents. Ça, c'est la chose la plus facile à faire. On peut toujours aller plus loin, bien sûr, au-delà. Mais on risque de se perdre. Non, il faut faire quelque chose de simple, de facile, qui apporte la paix, le calme, afin qu'un jour le voile disparaisse. Ça peut être petit à petit, ou ça peut être direct. C'est une très bonne question. Derrière le soi, il y a le non-soi. Et derrière le non-soi, il y a ni l'un ni l'autre. C'est l'intérêt. Et l'intérêt, c'est le vide. Le vide d'une identité séparée. Si tu vois, tu penses toujours à ton image, alors tu as déjà créé un soi illusoire. C'est pourquoi il faut vraiment. Mais c'est bien, c'est la preuve que ça travaille. C'est pas un mauvais signe, hein. Quelque chose dans la pratique comme ça qui sort. C'est pas mauvais du tout. C'est un bon signe. Ça veut dire que ça travaille. Et le partage sert à ça, à apprendre un peu plus. Je m'arrête, sinon je jusqu'à minuit. Oui, je trouve que l'image de soi ou la façon de soi pour la psychologie moderne, c'est important. On est à l'aise quand on arrive à s'affirmer, à avoir une image de soi-même convenable envers la société. Je me rappelle les périodes où je suis en chômage. Je suis mal à l'aise, je n'ai pas de travail, je touche le chômage et chaque fois on demande est-ce que tu travailles, non, je cherche. C'est quand même difficile. Et une fois que j'ai trouvé un travail, voilà, une place où je peux échanger mon service pour gagner de l'argent, je suis à l'aise, donc j'ai une certaine image de soi, que je suis content avec soi-même. Et quand j'arrive en pension, je ne travaille plus, donc j'ai tous aussi une somme d'argent, le chômeur, tous aussi une somme d'argent. Mais les deux situations fait que celui qui est sans travail, qui est mal à l'aise parce que son image de soi est différente de l'image de soi d'un pensionné. Donc c'est nécessaire que chacun arrive à constituer une image de soi convenable. Selon ses conditions, l'éducation de sa famille et tout ça. Mais aussi, grâce à la pratique, on peut aussi patienter, comprendre notre souffrance quand notre image de soi n'est pas encore bien formée. On est patient, on continue de pratiquer, recevoir l'enseignement de la sagesse des 30 mètres pour constituer, pour compléter notre image de soi. Et bien sûr, sur le sommet du Bouddha, le Bouddha a toujours enseigné, toujours aller au-delà de l'image de soi. C'est pour ça qu'il nous donne des exercices. Un des exercices qui est difficile, que Thaï a proposé aussi, mais je ne crois pas que la plupart de nous pratiquent. Même les moines, peut-être les moines, très office les moines à pratiquer, c'est la contemplation sur le cadavre. On doit imaginer qu'un jour on va mourir et notre corps se passe par différentes étapes, 9 étapes. Donc notre corps va gonfler, il y a des vers qui mangent le corps, il y a des os et ça devient poussière, tout ça. Donc si vous... Cet exercice a été proposé depuis longtemps dans le livre Le miracle de la pleine conscience. Si vous avez feuilleté ce livre, vous avez été proposé. Et cet exercice-là se trouve dans le sutra, les 4 étapes justement de l'attention, où Thaï a commenté aussi. Donc c'est pour puiser l'image de soi, aller plus loin encore. Voilà, c'est pour atteindre la libération finale. Mais en même temps, vivre dans la société, chacun doit constituer une image de soi convenable. Parfois, les artistes n'arrivent pas à intégrer dans la société pour travailler, parce que les artistes, c'est pas possible d'aller travailler vite sur un bâton, donc dessiner, donc faire des choses comme ça, c'est difficile. Mais un artiste a besoin d'affirmer comme artiste, son image d'artiste. Voilà, il doit avoir l'image d'artiste pour pouvoir présenter son image malgré les difficultés financières. C'est un exemple d'image de soi. Voilà, en tant que pratiquant, disciple de Bouddha, on doit travailler sur l'image de soi, même pour aller au-delà de l'image de soi. C'est ça que le challenge du disciple Bouddha. L'image de soi, c'est quelque chose de très dynamique, quelque chose de très mobile. Ce n'est pas quelque chose de statique. Et pour moi, depuis très longtemps, c'est pratique l'observation de mon ipa de soi. Bien sûr, quoique ce soit très dynamique, très mobile, très changeant, il y a souvent, c'est un mécanisme, c'est une chose commune qui revient souvent. Et pour moi, l'observation, mon image de soi, comment ça se formait, je considère ça comme une sorte de koan, c'est-à-dire une question sans réponse. Mais on doit observer constamment de cela. Et peut-être un jour, un éclair, on voit qu'on est. C'est un blocage. C'est une ornière qu'on a fait toujours fait sans savoir. Mais c'est par l'observation constamment de notre image de soi, de notre façon d'agir, de notre façon de comportement, un jour peut-être, c'est comme un éclair, on voit bien qu'on est coincé, on est bloqué par certains choses. Et là, à ce moment-là, c'est la liberté, on bascule dans notre dimension, voilà, et on peut débarrasser et certains blocages, pour aller au-delà. Mais l'idéal, c'est aller au-delà sans une image de soi, comme Ken vous vient de dire. Est-ce que je peux partager quelque chose? Oui, merci. Deux secondes. Alors, juste Marie, ça a fait écho en moi. Alors, je vais essayer d'être bref. J'étais avec une collègue qui chantait avec ses patients sur sa chambre. Elle dit, oh, moi, j'ai pas peur du ridicule. Et ça a fait vite écho en moi. Je me suis dit, ah, moi, j'ai peur du ridicule. Et en fait, dès que je me suis dit, moi, j'ai peur du ridicule, je me suis vue la petite Thaïs. J'ai grandi au Brésil. Au Brésil étant un pays très raciste avec... Tout ça m'est venu d'un coup. Tout ce racisme, toute cette différence. Et en voyant toute cette différence, un autre éclair est venu en montrant que je n'existais pas si j'étais différente. Et à la suite, ce qui m'est apparu, c'était la peur de disparaître. Donc je me suis vue disparaître et si je disparaissais, je n'existais pas. Et je ne pouvais pas être moi-même. Et alors, du coup, ça fait un petit temps que je travaille sur ça en me disant j'ai peur du ridicule, qu'est-ce que je dois faire? Et je me pose régulièrement la question, et dans la pratique, j'essaye que ça émerge. Et la vie fait que, récemment, la semaine passée, je parlais avec mon chef au travail, quelqu'un très cartésien. À un moment donné, je lui lâche en disant de toute façon, les choses arrivent dans la vie au moment parfait. Et il dit oh, la petite Thaïs, bisounours. Et ça, bam, réveil, je suis différente. Dans mon milieu professionnel, je suis différente par ma pratique, par mon ouverture, par mon envie d'être éveil. J'ai l'impression que toute une sorte d'énergie partait de mon corps en me disant, voilà, ça revient. Et à ce moment-là, ce qui m'a aidée, c'est, parce que ce qui m'est venu avec ce père du ridicule, c'est de me dire régulièrement, c'était tout est un, et je suis le tout, et je suis tout est amour, et je suis amour. Tout est joie et moi je suis la joie. Et à ce moment-là, quand j'ai senti juste cette énergie qui partait, j'ai respiré en me disant tout est parfait, je suis un, je suis le tout, tout est amour. Et à un moment donné, il y a une sorte de. Je suis revenue à moi-même, je suis à nouveau connectée et ça m'a permis de voir que cette peur de disparaître est là. C'est quelque chose, même si je parle en spiritualité, si. Une envie d'éveil ou d'éclairage ou d'atteindre le nirvana, à un moment donné, je sens que mon cerveau dit il y a une peur de disparaître. Est-ce que je vais disparaître si j'atteins quelque chose de beaucoup plus grand? Merci, le temps est écoulé. Merci pour le cadavre. J'ai pas osé le dire. Mais vous savez, il y a 36 ans, j'ai commencé par ça. Il y a 37 ans. J'ai commencé par ça.